La première question, quelle est la différence entre être énervé et être stressé? Moi, je l'attendais. Être énervé, évidemment, il y a des personnes qui peuvent être stressées et qui peuvent se prétendre énervées. Surtout maintenant que je vais expliquer qu'il y a une différence, bien, il y a beaucoup de personnes stressées qui vont dire qu'ils sont énervées. Ça paraît mieux. Être stressé, c'est l'accumulation des mémoires qui empêche les mémoires, donc l'ego, donc l'âme, donc ce que l'homme prétend être, de s'adapter aux choses neuves. Être énervé, c'est lorsque de l'énergie passe, et elle passe à un point tel qu'elle vient enivrer l'humain, c'est-à-dire qu'elle vient le dynamiser. Et lorsque l'humain est dynamisé, il devient énervé, c'est-à-dire que le terme peut être intéressant, dynamiser est un terme plus juste, mais il est plus rapide, il a le goût que ça marche, il a le goût que ça se promène, alors il est pépin de pep, et nécessairement, il risque d'énerver les autres. Alors, être énervé, c'est dans mon cas, moi, c'est être dynamisé, et être stressé, ben, c'est dans mon cas, moi, c'est inexistentiel. Est-ce qu'il y a un truc rapide pour éliminer le stress? Il y a un truc rapide pour éliminer le stress. Oui, tout à l'heure, j'en ai parlé. En fait, j'en ai crié. C'est le truc rapide. Je commençais, j'ai fini avec le petit cours sur le cri. Mais effectivement, l'humain doit apprendre à découvrir et à s'apprendre. Quand on vient pour crier, on est stressé. Et l'astral, ce qui nous manipule, fait tout pour qu'on n'arrive pas à crier. Et puis certaines personnes vont nous répondre que c'est plus facile de crier après quelqu'un. On doit arriver à être capable de crier, simplement pour le plaisir de crier. Et une personne qui dit « Oui, mais quand je crie, ça m'énerve », c'est faux. Quand un autre crie, oui. C'est évident que si la personne crie en s'empêchant de crier, donc si elle crie « pogné », tout ce qu'elle vient pour exprimer par le cri, ne pouvant sortir, s'imprègne à l'intérieur d'elle. Et on doit travailler le cri jusqu'à temps qu'on puisse développer un cri clair. Et on est bien, vachement bien. Une personne qui apprend à chanter, c'est un peu ce qu'elle fait, elle crie. Je ne parle pas d'une personne qui fredonne. Une personne qui chante, elle crie. Alors, le truc rapide pour éliminer le stress, c'est de crier. C'est bien évident que si vous arrivez devant quelqu'un, vous vous sentez stressé, c'est peut-être pas le temps de crier. Bon, la meilleure façon, c'est de ne pas être stressé. Alors, je répète les petites, on peut presque dire les lois, lui-même sur les lois. Il se sent bien quand il y a des lois autour de lui. Alors, ne pas se prendre au sérieux, mais vivre sérieusement sa vie. J'ai déjà fait une conférence complète sur comment ne pas se prendre au sérieux. C'est la solution de l'homme. Vous voulez cesser de souffrir, vous voulez comprendre, vous voulez savoir, vous voulez cesser d'avoir peur, d'être inquiet, d'être angoissé, vous voulez cesser d'être stressé, vous voulez cesser d'avoir des problèmes, vous voulez vivre au-delà du bonheur, ne vous prenez pas au sérieux. C'est simple. Et effectivement, c'est trop simple. Je peux compliquer ce que je viens de vous dire et passer 3 ans à en reparler. D'expliquer comment cosmiquement, comment subatomiquement, comment énergétiquement, comment intelligemment, comment astralement, comment vitalement, l'homme peut arriver à ne pas se prendre au sérieux en mettant des termes plus compliqués. Et plus je dois compliquer les choses, plus je m'adresse à des gens qui se prennent au sérieux. Et plus souvent qu'autrement, effectivement, je devrais compliquer un peu plus. Parce que l'humain voit ça comme une solution trop simple. Ne pas se prendre au sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas le nombril du monde, premièrement. Ça ne veut pas dire qu'on est médiocre. Ça veut simplement dire qu'on ne peut rien changer et ce qu'on ne peut pas changer. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on doit constater qu'à l'extérieur de soi, il y a ce qu'il y a. Et qu'à l'intérieur de nous, il ne doit plus jamais y avoir des choses comme « ça aurait dû être, ça aurait pu être, si j'aurais fait, j'aurais dû faire ceci. » Ça ne doit plus exister dans l'homme. À quoi ça sert à l'homme de toujours être en train de se mortifier, sinon de l'amener à mourir? J'aurais donc dû y aller. Ah, bon oui, c'est vrai, t'aurais donc dû y aller. C'est vrai. Ça change tout, hein, ça change tout. J'aurais pas dû faire ça. C'est vrai. Si c'est bon, tu le dis. Avec de l'émotion pleine, là, c'est bon, tu le dis. Lâche pas. T'auras pas dû faire ça. Bon. La prochaine fois, tu vas-tu le faire? La réponse la plus logique, c'est je le sais pas. Parce que l'être humain est manipulé. Non, je la referai pas. Imagine-toi qu'après avoir dit ça, quand tu vas commencer à la refaire, tu vas-tu taillir? L'avenir est entre les mains de l'avenir. Le passé est entre les mains du passé. Le présent est entre les deux et bien accolé. L'humain n'arrive ni à goûter au présent, ni à goûter à l'avenir, ni à goûter au passé. Donc, l'humain devrait constater que par rapport à lui, le temps n'existe pas. Ma montre, elle indique 21h51 et 24 secondes. Le 24 secondes, il est rendu à 27. Alors, dans ma mémoire, je peux dire, oui, mais cela a déjà été 24. Qu'est-ce que ça peut foutre? Lui, c'est un voleur, je le connais. Ah, et tu lui interdis totalement la possibilité d'avoir changé. Oh, je le connais, il ne change pas, ce gars-là. Ça fait 30 ans qu'il vole, il n'est pas pour commencer à être honnête. T'es puissant, mon ami. Tu détermines même comment va être l'autre. Un humain peut changer en un instant à une fraction de seconde, et toi, tu peux changer une fraction de seconde. Si toi, tu interdis que l'autre ait changé même après 15 ans, nécessairement, tu t'interdiras de changer. Être bien, hein, c'est simple, ne pas être stressé. Péter, puis trouver qu'on a pété. Ça pue, ben c'est tout à fait normal. C'est pas si je contrôle pas les pètes encore. Un jour, peut-être, ça sentira la pomme, la rose. Présentement, je ne peux pas. Bon. J'ai un rapport, hein, une irritation, un rot. Eh bien oui, l'estomac qui part. Hein? C'est intéressant. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Les personnes s'excusent continuellement, et ce mot « excuse » doit faire partie des mots à tuer. Ça fait partie de la parole fausse. Pardonne-moi, excuse-moi. Quand tu rentres chez quelqu'un et que la personne te dit excuse le désordre, ce qu'elle veut te dire? Elle veut te dire, regarde comment c'est un bordel. Parce que tu n'avais pas remarqué encore. Parce que chez vous, c'est comme ça, c'est normal. Mais elle risque de ne pas vous inviter parce que c'est bordel. Elle va chez vous, elle mange dans une vaisselle neuve. Et elle risque de ne pas vous inviter, elle n'a pas de la vaisselle neuve. La vaisselle qui est là, elle a piqué quand elle travaillait comme moitrice dans un restaurant. Alors nécessairement, elle ne peut pas vous inviter. Comment le monde peut-il être si problématique? Mais voilà. Est-ce qu'il y a une façon rapide d'éliminer le stress? La première chose, c'est que quand on est pogné, on crie. Et ça énerve les autres, oui. C'est la preuve que ça marche, le cri. J'exprime toute ma cochonnerie dehors. Puis s'il y a quelqu'un qui est avare de cochonnerie, ben il le ramasse. Et l'humain adore ces choses-là. Et on peut crier tous les deux ensemble, mari et femme, ou même avec les enfants, les voisins, crions une fois par mois. Ben, ils sauront qu'on est fous, ils vont s'habituer, puis ils vont arrêter de crier. Pas bien. Mais c'est important de ne jamais crier émotivement. Et quand une personne me dit, si je crie après quelqu'un, ça me défoule un peu. Ça te défoule. Ça défoule le psychostress imprimé dans ton corps, mais ça n'engendre pas une reprogrammation du stress. Monseigneur! Quand il est parti, là, j'ai dit. Oui, mais ça n'a rien changé. Quand elle est partie, là, tu fais... Tu pognes. Là, tu recommences. Ça sent bien. Là, tu recommences. Tu bois un peu d'eau, là. Là, tu recommences. Hey! Tout est parti. Puis là, c'est sûr que si tu te dis tout est parti... La personne, là, la petite personne, là, j'ai réussi à aller là, ça va me manquer. Mais non! L'humain revit dans sa mémoire continuellement. Êtes-vous capable de manger une claque d'en face? Bien, instantanément avoir oublié. Alors, vous pourrez dire, je n'ai jamais eu de claque dans le visage. Et en réalité, ce sera vrai. Et de ce fait, jamais vous pourrez souffrir d'une claque que vous n'avez jamais eue. Moi, mais d'un coup, j'ai un gros bleu, là. Tu auras un gros bleu. Protège l'autre joue. Mais ne maudis pas l'autre. On doit vivre avec l'instantané. Si j'ai un gros bleu là, je vis avec le gros bleu. Si la main se dirige vers l'autre joue, je vis avec aussi la main qui se dirige vers l'autre joue. Et je n'ai pas besoin de condamner ou de juger l'autre. Savez-vous que l'homme nouveau est capable de tuer sans haïr, qu'il est capable de tuer tout en aimant autant celui qu'il tue que celui qu'il sauve? Cela fait partie de la mécanicité de l'amour intelligent. L'humain, pour pouvoir vivre une condition psychologique sur la planète, doit se l'autoriser émotivement, ce qu'il fait, qu'il doit haïr pour pouvoir faire quelque chose. Un point tel que l'homme n'est même plus capable de se défendre lorsque c'est intelligent, ou non du fait qu'il aime trop l'autre. Ton mari te bat! Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il fait mon pauvre pitou, il est pogné, je comprends. C'est ça. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais lui maudire un coup de fer en poing sans visage parce que tu l'aimes, psychologiquement. Tandis que si la personne serait une femme nouvelle, le bonhomme, il me voisinerait au quart d'heure. Oui. Oh, je l'aime, c'est évident, je l'aime. Ouais, mais pourquoi tu as cassé le nez? Ben, pour qu'il arrête de me taper dedans. Tu l'aimes pas, ça n'a rien à voir. J'ai cassé le nez, pas parce que je l'aime pas. Pour qu'il arrête de me taper dedans. Vous comprenez pas la logique? Moi, ça me fait penser à quand j'étais jeune. On boit une cabane dans l'arbre, après ça, moi, mon chum, on va au restaurant, puis là, à un moment donné, il me pique une gomme. Fait que là, on s'engueule. Puis après ça, il me dit, là, tu comprends bien, non, je prépile dans la cabane. Et là, il faut que je dise, je vois pas le rapport. On s'astine pour une gomme à mâcher. J'ai la cabane, je ne sais pas ce qu'il vient faire là-dedans. Mais l'humain, il marche de même, l'humain. L'humain, il marche mémoriellement. Je me rappelle que 2 ans, là, puis là, on s'engueule, là, on s'y amusons-nous, coton. Et tout ça, ça amène le stress. Comment qu'on fait pour se déstresser? Premièrement, on apprend à crier, ça, c'est déjà une bonne chose. On apprend à chanter. Hey! On apprend à crier, c'est bien. Et puis, on arrive à vivre d'une façon amusée. Vous êtes... Vous savez qu'aux yeux des dieux, on est réellement une farce. L'humain est malade. Plus il veut se guérir, plus il est malade. Il mange de la cochonnerie du porc, il mange n'importe quelle affaire, ça va. Il décide d'être végétarien ou de checker sa santé, puis il commence à être malade. L'humain, il fume. L'humain, il veut arrêter de fumer, il peut pas. Il peut pas. Le gars, il a besoin de sexe, il trouve pas ni... Comme ça. Le gars, il aime, les parents aiment leurs enfants à un point tel qu'ils battent. Tous les enfants battus sont battus par des parents qu'ils aiment. La femme, elle se laisse battre, elle est pognée. Le bonhomme, il y a bas, il est pognée. On s'en va gentiment à une fête ou quelque part pour un accident de champ. À travers cela, ben, les dieux nous ont créé qu'il y a des barbites pour qu'on se démerde. C'est bien. Alors moi, j'ai l'impression réellement, du point de vue de l'homme, du point de vue cosmique, je comprends ma présence et la présence de l'humain sur la planète et la présence de l'humain dans l'univers et son rôle et sa fonction. Mais en tant qu'être humain, même si je ne pourrais pas te voir, déjà en partant, je comprends qu'il y a une grosse illusion dans l'affaire. Il y a une grosse farce là-dedans. Il y a une grosse gamique là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que je bâtisse une famille. En réalité, c'est parce qu'il faut que j'engendre des corps physiques de façon à pouvoir me réincarner directement dedans et de façon à ce que la vie soit immortelle dans un contexte mortel de la planète. Cela veut dire que l'homme des cavernes, le premier qui a engendré un enfant, là, qui a fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui nous autres, preuve que la vie est restée. Mais je peux avoir le concept, il faut faire une famille, il faut avoir des enfants. Puis quand les enfants s'en vont, puis quand toi tu meurs, puis quand l'autre meurt, puis quand tout ce que tu as bâti disparaît, puis quand le taux que tu as toujours désiré avoir rouille, puis en fin de compte, à travers tout ça au complet, je pense que vraiment, au lieu de commencer, de continuer à me prendre au sérieux, je commence à rire. Là, je ris. Là, je regarde mon bouffard, là, puis il y a une tache ici, il y a une roche qui fait partie de la peinture, puis il y a un petit peu de rouille. Puis ça commence. Là, je peux sortir mon Q-tip, ma bebelle, ma peinture, pour en mettre dessus, là, tu sais. Mais bien souvent, je suis des camions qui n'ont pas mis le toit en haut, là. Puis ils nous gorgent plein de karma par la tête. Puis là, ben, il faut que j'en mette de la peinture. Peut-être qu'un jour, j'aurai tout à repeinturer mon char au complet, petit morceau. Une chose certaine, c'est qu'un jour, je l'aurai perdu pareil, mon auto. Alors, à travers tout ça, ben, on finit par arrêter de se prendre au sérieux. Puis je me dis, bon, ben, je vais me trouver un emploi. Puis si je n'ai pas d'en trouver, je n'en trouverai pas. Je vais tout faire pour en trouver une, par exemple. Mais je ne me prendrai pas au sérieux. Si on me ferme la porte au nez, 4, 5, 6, 7 places, mourir. Ah, mourir. Mais l'humain rit pas, l'humain il broye. Moi je ris, puis je dois stresser tellement le monde de la mort qu'à un moment donné, il m'en donne une job. Vous perdez votre chat est perdu. Et on ne peut pas changer le passé. Vous perdez un être cher et l'être cher est parti. Et on ne peut pas changer le passé. Vous n'avez pas gagné la loterie. Vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Vous avez coulé un examen. On ne peut pas changer le passé. On peut entrevoir, on peut accepter, on peut décider de vivre dans un futur différent. On ne peut pas changer le futur, mais on peut s'enligner dans un futur différent. Il y a différentes possibilités de futur. Il y a différents futurs possibles, mais il y a seulement un seul passé. Et le passé, autant l'oublier, on ne peut rien faire, et bien souvent, il nous empêche d'avancer. Il y a des futurs possibles, des différents futurs possibles, on ne les connaît pas tous, surtout qu'on y est collectivement assujetti. J'ai coulé mon examen, je vais m'arranger pour que le prochain, je le passe. Et si je le coule encore, j'irai boire une bière. Puis je recommencerai. L'humain se prend au sérieux. Alors, lorsque une personne meurt, l'humain maudit l'univers. Et pendant ce temps-là, partout sur la planète Terre, ça continue à vivre. Prenez l'avion, partez, et survolez les États-Unis, ou le Canada, ou n'importe quel autre pays. Et observez par le hublot, là, et s'il n'y a pas trop de nuages, observez la ville en bas, et dites-vous, dans cette maison-là, il y a un meurtre. Dans celle-là, il y a une chicane. Dans celle-là, il y a un viol. Regardez votre avion. Ah, peanut. De continuer. Il y a un cinéma là, puis il y a un paquet de monde qui regarde ça là. Il y a un gars qui s'ennuie là. Il y a une fille qui est désespérée là. Regardez la ville en dessous là, puis amusez-vous comme ça là. Ah, ici, quelqu'un qui est heureux. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, hein? Bon. Ici, et ça, il y a un embouteillage là-bas. Je suis convaincu qu'il y a un gars qui est content parce qu'il écoute une cassette. L'autre, il maudit. L'autre, il est ceci, l'autre, il est cela. Il y en a un qui embrasse sa blonde. L'autre à côté, il est relou. Peanut encore, coke. Dans votre avion, buvez ça, là. Puis tout va bien. Puis même dans l'avion, vous pouvez après ça observer. Il y en a un, là, qui est en train d'arracher les bras du banc. Quand on a fini par atterrir, demandez est-ce que vous aviez eu peur? Non. Mais bien souvent, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher d'applaudir. Ils ont eu peur tout le long d'eux. Puis de ne pas penser qu'il y a une farce quelque part, qu'il y a une grosse gamique quelque part, quand tu peux regarder en bas, puis tu sais, tu prends le journal, tu vois ce qui s'est passé pendant que toi, tu faisais l'amour avec ta blonde ou ton chum. C'était le bonheur parfait. Ouais. Puis pendant ce temps-là, ben en Iran, on attaque l'Irak. Puis entre les deux, il y a le Koweït avec les Américains. Puis il y a tout. Hein? Bon. Puis après ça, on veut se prendre au sérieux là-dedans. On pense qu'on va tout changer. On pense qu'il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. L'humain est quelque chose de bien plus important que ce qu'il pense être. Mais étant donné qu'il s'amuse à jouer à l'enfant nouveau-né continuellement, il s'amuse à rester dans ses mémoires, il s'amuse à être celui qui, par une parole fausse, s'instruit continuellement qu'il est un imbécile, ben l'humain se prend au sérieux, puis l'humain devient stressé, puis l'humain devient pogné, puis l'humain a des problèmes. Ce n'est pas naturel d'être stressé dans sa psychologie. Pas en tant qu'être humain évolutif, en tant qu'être humain ascendant. C'est normal parce que la gang le fait. Mais ce n'est pas naturel. Ce n'est pas intelligent. Et si on est stressé, on est intelligent. La preuve, on est capable de constater qu'on est stressé. Mais le stress n'est pas intelligent. Combien de fois, certains parmi vous, avez-vous recommencé à zéro? Et combien avez-vous peur de recommencer une autre fois? Combien de fois avons-nous connu une fille et un gars et l'avons-nous laissé? Combien de fois avons-nous changé de travail? Combien de fois avons-nous été pognés et apparemment les culottes baissées dans un désespoir total? Puis finalement, ça continue. Et finalement, ça meurt aussi l'homme. Un jour, il ne mourra pas de son corps physique. Lorsque l'homme meurt, il va dans le monde de la mort. Certains vont dans le plan mort en ciel finir certains travaux. Il se passe des choses. Et l'humain revient. Que l'humain soit ressuscité ou que l'humain se réincarne, ça ne change rien. Une chose certaine, c'est que quelqu'un ou quelque chose, une condition présentement qui s'amuse énormément à nous voir nous prendre au sérieux. C'est exactement comme tu dis à quelqu'un, tu voulais que j'aille chercher du pain ou tu voulais que j'aille chercher du papier rose pour écrire des notes. J'ai trouvé juste du blanc. Tiens, c'est le blanc. Et le gars, il prend le blanc, là. Puis, pour aboyer, il se met à sacrer, puis il gueule. Mais c'est ça, là, la même valeur, tout ce qui vous fait broyer, puis soupicher, puis chioler. La même valeur. Alors, toi, tu regardes l'autre, tu dis, quoi, ici, j'ai l'air à amener du rouge. J'aurais pris le temps de le barbier au crayon feu, je sais pas, j'aurais. Mais c'est ce qui arrive. Il y en a qui ont perdu un être qu'ils aimaient et maintenant ils vivent. Mais pendant un laps de temps, ils ne vivaient pas partout. Leur mémoire refusait carrément, obstinément, d'accepter le neuf. Combien de fois la vie nous a-t-elle carrément déshabillés? Puis finalement, on s'en replace toujours. Apprenons à vivre. L'humain n'arrive jamais en retard. Les événements étaient trop rapides. L'humain n'est jamais en avance. Les événements étaient trop lents. Certains vont dire, oui, mais si on voit ça comme ça, on va se, en termes québécois, se crisser de tout. Non. Hey, tout se crisse déjà de l'homme! Alors, c'est pas parce que l'homme, il va embarquer dans le gamique que ça va changer grand-chose. Moi, je m'en vais quelque part, puis je m'en vais dans un restaurant. Il n'y a pas de place pour stationner. Tout le monde dans le restaurant. Je m'en vais ailleurs. C'est tout. C'est tout. Je m'en vais voir un film, une grande filée, juste dehors, qui attend. Je m'en vais me coucher. Puis si je veux y aller, je vais y aller, mais je ne chialerai pas que du monde. Je suis le monde qui remplit la file. Comment puis-je chialer contre le monde qui remplit la file? Je chiale encore une fois contre moi, inconsciemment. Tu dois avoir d'autres questions? Oui. Qu'est-ce que le subconscient n'est-il pas stressant? Le subconscient, c'est toute la conscience qu'on n'a pas notre conscience. Le subconscient fait partie de toutes les mémoires volatiles qui constituent l'ego, l'âme, et le subconscient est bâti par toute la mémoire que nous avons accumulée depuis notre naissance, même depuis notre fécondation, aller jusqu'à maintenant où on pose la question. Le subconscient est toute la partie de l'âme qui s'exprime sans que le mental le sache. Le mental fait exclusivement partie de la conscience de l'homme. L'astral, la psychologie, l'âme, l'ego fait partie, une partie fait partie de la conscience de l'homme et la majorité fait partie de l'inconscience de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est divisé en deux parties biologiquement différentes. Une partie volontaire. La gestuelle, la phonation, le fait, le système respiratoire est en partie volontaire. Mais si on devient essoufflé, il est régi par la partie involontaire de l'homme, la partie sympathique ou parasympathique, la partie autonome, qui marche tout seul, sans que le bonhomme, la bonne femme aille à s'en occuper. Dans le cerveau, il y a évidemment le cortex cérébral et il y a tout un système. Il y a un vieux cerveau, l'archéocérébellum, il y a le cervelet, le bulbe rachidien, il y a le thalamus, l'hypothalamus, et il y a d'autres régions cérébrales qui sont intimement reliées à la partie inconsciente de l'âme, et c'est par cette voie que l'âme s'exprime continuellement, manipulée par les contingences astrales, par le monde de la mort, à forcer l'humain à être ce qu'il se voit être. Je veux rencontrer quelqu'un. Alors, j'exprime soit mentalement par ma partie consciente l'idée. Et je commence à transpirer. J'observe que je transpire. Et je peux aussi être en maudit. Je peux consciemment être émotif. Consciemment, c'est la partie astrale qui s'exprime dans la partie consciente de l'homme. Mais lorsque mon cœur s'accélère, ça c'est l'expression de ma conscience astrale par les voies inconscientes biologiques, par les voies que le mental ne contrôle pas. Et l'humain appelle cela l'inconscient ou le subconscient. Chaque fois qu'une partie de mon âme s'exprime par une partie biologique que non consciemment ou que volontairement ou que mentalement je ne contrôle pas, cela fait partie de l'expression de l'inconscience. Lorsqu'un enfant a des incontinences urinaires la nuit, c'est que pendant le sommeil, le muscle volontaire qui peut être assujetti à une programmation involontaire, parce qu'il y a deux muscles au niveau des sphincters de la vessie, un qui va s'ouvrir lorsqu'un certain poids est atteint, et c'est là que l'humain a la sensation, et c'est là qu'il sait qu'il a envie. Mais il y a un deuxième sphincter qui, lui, ne s'ouvre que volontairement. Et encore là, plusieurs ont de la misère à le faire fonctionner volontairement. Il y en a, ça leur prend un bout de temps. Et lorsque l'enfant est couché, bien, la partie inconsciente a la clé du deuxième sphincter et l'enfant nécessairement va uriner. Bon, ou l'adulte. Qu'est-ce que l'inconscient ou le subconscient? Ce n'est pas stressant. Ce qui arrive, c'est que l'humain se prend au sérieux. Lorsque l'humain se met à transpirer ou à rougir, eh bien, il se prend en sérieux, il découvre par sa partie consciente qu'il rougit et qu'il est l'expression de sa partie inconsciente. Si l'expression est sa partie inconsciente, ça veut dire qu'il n'a pas le contrôle volontaire dessus. Donc, il ne pourra pas contrôler la dilatation périphérique de ses vaisseaux qui amènent plus de sang et qui le font rougir. Nécessairement, l'humain observant qu'il rougit, ça le stresse. Mais qu'est-ce qui le stresse? C'est pas la partie inconsciente. C'est qu'il n'accepte pas les choses. Je suis rouge. Je suis un peu rouge. Alors, tu vas voir l'autre, puis l'autre, nécessairement, c'est déjà que tu es faible psychologiquement. Tu t'assois, tu le regardes dans les yeux, et t'es rouge. Mais ton regard va lui faire savoir que t'es fort, puis ta rougeur, que t'es faible. Alors, s'il est intelligent, il pourra dire, cet humain se contrôle. Il pourra dire ça. C'est pas grave d'être rouge. L'important, c'est de ne pas s'en faire. Puis un jour, la programmation va changer, puis on sera blanc. J'ai deux questions ici. Beaucoup de textes prétendent que l'État restauré d'Israël et la France auront un rôle clé au niveau planétaire à jouer lors du retour du Christ. Est-ce vrai? Oui. Deuxième question. Mm-hmm. Peux-tu faire la lumière sur le fameux grand monarque qui est supposé venir délivrer le monde, dans quelles circonstances viendra-t-il et quel sera son rôle? Bon, tu veux qu'on finisse la conférence avec ça? Beaucoup de textes prétendent que l'État restauré d'Israël et la France auront un rôle clé au niveau planétaire à jouer. Oui, bon, mais l'État d'Israël n'est pas restauré encore, puis la France est encore là, ce qui fait que c'est préférable de ne pas trop en parler parce que ça engendre des stress dans ceux qui ne comprennent pas les choses. Or, dans le retour du Christ, il faut bien comprendre, j'ai fait une conférence sur le retour du Christ. Et si on parle de l'énergie Christ, c'est que le Christ va revenir à travers plusieurs personnes. Ce ne sera pas une entité particulière qui va venir là. Le Nazaréen va revenir, lui, en tant qu'entité. Et c'est déjà annoncé et annoncé. Pas par ceux qui ont de la grande gueule. Pas par ceux qui disent que le Christ est revenu. Non. Parce que Jean le Baptiste est réincarné. Et nécessairement, il prépare les terrains. Parce que Judas est réincarné. Parce que Nicodème est revenu. Et on n'a pas besoin de grande gueule pour prétendre. Enfin, il y a toujours les prophètes. Et sachez une chose. Quand une personne regarde un prophète et qu'il dit ça, c'est un faux prophète. Sachez que c'est un vrai prophète. N'est-il pas dit dans la Bible que les faux prophètes seront tellement parfaits qu'ils risqueront même de tromper les élus? Alors, si tu reconnais un faux prophète, ce n'est pas un faux prophète. Ils sont beaucoup plus rusés. Ils ont un travail à faire, ce qu'ils font là. Le travail ne te regarde pas. Si toi, tu n'embarques pas avec, ne va-t'en ailleurs. Mais le travail qu'il fait est parfait. Peux-tu faire la lumière sur le fameux grand monarque? Le grand monarque, pour ceux qui ne savent pas, c'est un papillon qui vit au Québec, grand monarque, et qui migre régulièrement vers le Mexique et vers Los Angeles. Et qui est supposé venir délivrer le monde. C'est sans doute pas du papillon qu'on parlait. Dans quelles circonstances viendra-t-il et quel sera son rôle? J'ai fait une conférence à un moment donné. La nouvelle société, une monarchie. Moi, je suis absolument, mais 100% contre les votes du peuple, les élections, les régimes démocratiques. Je suis contre, mais contre. Mais contre. Je suis pour le régime draconien du monarque. Et il y a évidemment une exclusive condition, c'est que le monarque soit régi par de l'intelligence. Sinon, il va débarquer. Pourquoi je suis contre la démocratie? C'est parce que l'on demande au peuple, pensez-vous, cher peuple, qu'on devrait dépolluer. Comme le peuple se fout royalement de dépolluer, il vote non. Les régimes démocratiques ont toujours été les régimes de l'ignorance. Le peuple, dans son ensemble, n'a jamais de vision globale de ses nécessités. Seuls certains humains arrivent, par retirement, à avoir la vision globale des nécessités d'une société ou d'un peuple. Et lorsque ce bonhomme ou cette bonne femme demande au peuple, qu'est-ce que l'on fait? On fait de la propagande. On veut convertir le peuple, parce que si on demande l'opinion au peuple, le peuple n'a jamais d'opinion. Alors, il est nécessaire que pour qu'un jour la paix soit instaurée sur le plan planétaire, et quand je parle de paix, je parle d'une harmonie ascensionnelle, il est nécessaire qu'un être soit le recteur total de cette planète. Et c'est nécessairement un monarque. Pour qu'un monarque apparaisse, il est nécessaire, premièrement, qu'il y ait une dissolution ou une dilution totale de tous les égrégores nationaux. Ce qui, normalement, se fait dans une guerre. Les peuples se conquièrent l'un l'autre et s'assimilent. Cela peut se faire aussi par le processus de l'intelligence, mais apparemment, l'humain, présentement, est trop manipulé et il y aura des humains au Québec qui vont se réveiller. Parce qu'il faut savoir qu'après Israël qui va régler une chose, après l'Europe, pas rien que la France, l'Europe qui va régler une chose, c'est du Québec que va provenir toute la nouvelle science, la nouvelle connaissance et l'érection. Toute la direction complète et l'instauration d'une monarchie planétaire va provenir du Québec. Et je ne dis pas cela parce que je suis Québécois, je suis venu au monde au Québec, parce que c'est ici que c'était pour se passer. Lorsqu'on parle de grand monarque, on parle évidemment d'une régence globale assujettie à l'intelligence. Mais comprenez bien une chose. Si tu es le grand monarque, parce qu'on parle de grand monarque, parce que c'est intéressant, mais on ne sait pas encore quel sexe, hein, bon. Si tu es le grand monarque, et que tu trouves que lorsqu'une maison brûle, tu donnes l'ordre d'éteindre le feu. Moi, je me fous que tu es grand monarque. Grand monarque ou pas, j'aurais été l'éteindre le feu. Alors, si l'intelligence passe par le monarque, et si l'intelligence passe par l'homme, la vie est belle. Le grand monarque vient de Reims. Et je faisais remarquer, souvent, et ce sont des choses qui ne doivent pas être lésinées, parce que le Nostradamus, Michel de Nostradam, parle de Reims. Et tout le monde voit la ville de Reims en France. Et il se trouve que le centre de l'universalité a eu 3 ans et demi de sa vie au 140 Crémazie. Pas de porte sur Crémazie, mais la porte était sur la rue Reims. C'est juste intéressant. Mais l'humain doit toujours faire attention aux prophéties. Surtout que j'ai déjà fait une conférence expliquant que ces prophètes, souvent, étaient des prophètes, des faux prophètes, porteurs de bonheur et de paix. Il y a énormément de choses qui sont faites pour instruire le monde de la mort de façon à ce que celui-ci fouille pendant que ça va se bâtir ailleurs. Quand les prophètes ont averti Hérode que le Nazaréen était encore présent et qu'il avait de 0 à 2 ans, eh bien, Hérode s'est occupé. Pendant ce temps-là, l'autre avait des guerres. Et après, Hérode a pu dire, ces maudits astrologues, toutes des imbéciles. Non. Le grand monarque, eh bien, c'est une condition planétaire qui ne peut être instaurée que par certains paliers. Premièrement, l'humain devra diluer ses nations. L'humain, pour diluer ses nations, devra devenir de plus en plus indépendant au niveau de sa conscience. Cela nécessite évidemment l'indépendance de certains phénomènes planétaires ou de certains phénomènes politiques. Le Québec, entre autres, est et doit devenir indépendant énergétiquement. Il doit devenir indépendant dans sa conscience, parce que l'être humain québécois est le seul qui porte la parole, qui peut amener l'intelligence supramentale en premier palier dans l'expérience planétaire de l'homme. Le Québec doit se libérer énergétiquement des contingences extérieures. Le Québec doit se libérer, si possible, de toute manipulation extérieure, et c'est pourquoi l'intelligence, procédant de différentes façons, a engendré... Bien évident que si le Québec deviendrait politiquement libre, nécessairement le Québécois deviendrait énergétiquement libre. Chaque être humain ne sait pas nécessairement ce qu'il fait, mais il sert toujours d'outil à des choses. Et il est prévu par toutes les prophéties qu'un jour le Québec sera libre. Il sera un État. Et il porte d'autres noms. Il y a des parallèles que l'on fait énormément, mais je préfère ne pas en parler, ce n'est pas le temps. Bon. Et un jour, il y a du monde qui va s'en occuper. Bon. Lorsque l'humain dilue par la suite ses contingences nationales et qu'il accepte d'être citoyen d'une planète, il devra en même temps accepter d'être citoyen de l'univers, donc de la création, pour ne pas revivre le phénomène de nationalisme ou de racisme lorsqu'un jour il rencontrera d'autres phénomènes extraplanétaires. Deuxièmement, il devra engendrer une religion mentale, la seule religion qui, sur la planète Terre, permettra à l'humain de se libérer d'elle-même. Parce que toutes les religions qui existent sur la planète sont des religions théologiques émotives. Et aucune religion ne permet à son pratiquant de se libérer d'elle. La religion est une technique pour permettre à l'homme de se relier à son intelligence. Appelez ça Dieu, appelez ça l'Esprit Saint, appelez ça comme vous voudrez. C'est une technique. Religion vient du mot « relier ». Mais une technique qui interdit aux pratiquants de se passer d'elle est une technique qui esclavagise le pratiquant. Toutes les religions émotives existentielles présentes sur la planète Terre sont des techniques qui empêchent l'homme de s'en sortir. Elles le culpabilisent lorsqu'il veut s'en sortir et toutes les contingences égrégoriennes de ces religions sont bâties pour que l'humain ne s'en sorte pas. Il y aura naissance d'une religion mentale, là où l'homme pourra accepter d'être son seul maître et où dans son évolution il sera capable d'instruire son ego, de l'aider, de le diriger, de le planifier et lorsque l'ego sera prêt, d'abandonner cette religion. Chacun, un jour, aura sa religion, même si elle sera aplanie par les mêmes lois. Et ce sera une religion mentale, non pas une religion émotive. Au lieu de comprendre que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, on comprendra que Dieu n'avait pas le choix et que le Nazaréen, faisant partie de l'évolution expérientielle de notre planète, cela s'est accompli. Et un jour, on saura aussi que les choses se font par intelligence, plus que par émotivité. Alors, le fait de se plaindre énormément dans une prière n'engendre pas plus de solutionnement, mais le fait de comprendre l'intelligence d'une solution amène immédiatement la solution. Quand je parlais des personnes qui sont malades, trouvez une raison intelligente d'être en santé et vous serez guéri. Mais pas une raison émotive, une raison intelligente. Et un jour, l'humain comprendra ce que ça veut dire. Après la religion mentale, nécessairement l'humain arrive à être suffisamment individuel, alors il verra clair. Voyant clair, lorsqu'il voit le soleil, tout le monde verra aussi le soleil. On ne verra pas 150 soleils différents. On ne verra pas 5 milliards de soleils différents. Alors, on ne pourra pas dire 5 millions d'humains ou 5 milliards d'humains, 5 milliards de religions. On ne pourra plus. Et une autre phase de l'évolution planétaire va commencer. C'est très, très, très gros d'en parler. Et ça va se faire dans les années qui viennent. Ici, j'ai trois questions. En état de sommeil, est-ce que la personne peut recevoir un message télépathique? Oui. Est-ce qu'un individu peut recevoir un message sans être conscient du phénomène télépathique? Télépathie, oui. Est-il préférable d'être reposé pour télépathiser un message? Merci. Bon, la semaine dernière, on a parlé, enfin, de la télépathie. Télépathie? Je me donne la semaine d'avant, je ne sais plus trop, c'est pas grave. Et puis, on expliquait tous ces phénomènes au complet. Maintenant, la seule vraie télépathie, je ne veux pas revenir dessus, je ne sais pas si la personne, elle était là, mais la seule vraie télépathie que l'on peut faire, c'est une télépathie qui provient de l'instantanéité. Cela veut dire qu'à l'instant où moi je pense, l'autre le pense. À l'instant où moi je sais, l'autre le sait. Et j'ai expliqué aussi qu'il y a des télépathies qui se font d'une façon biologique et dépendant des personnes. Alors, la meilleure chose à faire, c'est ça de se référer à cette conférence. Ici aussi, j'ai trois questions. Est-ce que l'énergie vitale absorbée via les légumes et les fruits crus est diminuée quantitativement si l'on coupe ceux-ci en morceaux avec un couteau ou même si on les pèle? La meilleure chose, ce serait de les couper avec un couteau en bois. Le couteau métallique est conducteur et il s'en absorbe. En plus, le couteau métallique les oxyde et l'oxygène est un très grand conducteur, ce qui fait que plus on coupe, plus on oxyde les choses et on transforme l'énergie vitale de l'aliment. En l'oxydant, on le tue, c'est-à-dire qu'il est brûlé. Alors, si on prend une pomme puis on la coupe, on voit que le blanc devient rapidement brun. Il s'oxyde. Et ça, ce n'est plus vitalement vital, ce n'est plus vivant. Normalement, on casse les choses plutôt que les couper. Si on peut les couper avec quelque chose qui n'est pas métallique, c'est mieux. Maintenant, on vire pour fou avec ça. Si on n'a pas le choix, on les met dans le blender et on les broie. Hein? Bon. Mais on parle de préférence. Une chose certaine, c'est que si l'humain cesse de perdre son énergie, on va faire une conférence en décembre, ou en novembre, on fera une conférence prochainement sur comment conserver son énergie. Bah, tu sais, c'est sûr que si tu manges une pomme, chaque fois que tu prends une bouchée, t'as un accès d'un bout. Oui, mais sur la quantité de toxines, tu t'en mourras pas, c'est pas si pire que ça. La pomme, elle est bonne pour toi, c'est pas nécessaire de la bouffer d'une claque à toute vitesse. Ou de la bouffer dans un endroit où il n'y a plus d'oxygène, tu sais. Bon, tenez ton souffle. Sauf que, bon, ramasser de l'énergie, c'est très intéressant. On la ramasse par la respiration, on la ramasse en mastiquant les éléments, parce qu'on doit les mastiquer, non pas pour les préparer à l'estomac. On les mastique pour absorber la vie. L'estomac, lui, plus il travaille, plus il se tient en forme. Rendre un estomac paresseux en mastiquant trop les choses mortes, c'est ça, c'est créer des problèmes. Or, la viande, on l'avale comme un chien. L'estomac va s'organiser avec. Pas de vie là-dedans. Mais les légumes, les fruits, les choses vivantes, ça, faut mastiquer, faut imbiber de salive, l'eau est conducteur. Alors, l'humain doit cesser de perdre de l'énergie par le stress, par l'angoisse, par tout un paquet de phénomènes. Et si on veut, disons, organiser convenablement son alimentation, bien, le fait de couper oxyde et le fait de couper du métal canalise, donc absorbe, alors qu'on perd un peu de vie. Si une nuit blanche s'avère nécessaire et inévitable, que suggères-tu de faire pendant cette période pour minimiser les pertes d'énergie vitale ainsi que les moyens pour pouvoir aller en chercher au maximum? Bon, la question, elle est mal posée. Si la nuit blanche est obligatoire en ce sens que l'humain n'arrive pas à dormir, il doit s'organiser pour s'épuiser. Si la nuit blanche est nécessaire parce que, par exemple, on doit veiller quelqu'un qui est malade ou une raison quelconque, eh bien, l'humain devrait s'arranger pour profiter du temps avant ces nuits blanches-là pour apprendre certaines choses. Une technique de respiration, une technique de digestion, une technique de menfisation, apprendre à contrôler chaque petite parcelle de son corps consciemment. Et quand la nuit blanche a passé, qu'elle n'a pas le choix, eh bien là, elle peut dire, bon, ben là, j'ai au moins une nuit pour pratiquer. J'ai jamais le temps. Et là, elle peut faire de quoi? Est-ce qu'étudier et mémoriser des tas de choses fait perdre beaucoup d'énergie vitale? Plus on mémorise de choses, plus cela prend de l'énergie vitale. Maintenant, lorsque l'humain, parce que la mémoire, elle est, tant que l'humain n'est pas en contact avec son intelligence instantanée, il a besoin de mémoire. Le problème de la mémoire, ce n'est pas seulement la mémoire, c'est la mémoire émotive attachée à la mémoire élevée événementielle d'un événement. La mémoire n'est jamais pure. Et plus l'humain mémorise, plus il prend d'énergie vitale, il en a besoin. La mémoire, c'est comme une ballonne. Alors, plus on met d'air dans la ballonne, plus la ballonne se gonfle. Et plus la ballonne se gonfle, plus la peau devient mince. Et la peau, c'est le périsprit. C'est constitué d'énergie vitale. Plus elle gonfle, plus ça devient mince. Alors, nécessairement, l'âme, pour ne pas être influençable, parce que plus le périsprit devient mince, plus il reste et plus il devient influençable, il puise dans le corps physique de l'énergie vitale pour conserver l'épaisseur à son périsprit. Et il s'épuise. Alors, mémoriser des choses épuise. Et l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il doit prendre du soleil, il doit boire de l'eau, il doit mastiquer l'eau. C'est pas toi. Il doit boire des jus le plus frais possible, il doit mastiquer les jus pour ramasser l'énergie vitale qui est dedans, c'est évident. Il doit prendre du soleil à l'ombre, il doit faire des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Tout est parfait, la seule chose qu'il y a, c'est qu'on a tellement caché les clés à un moment donné qu'on les a perdues, on ne sait plus. On regarde deux tomates, on prend la plus grosse, au lieu de prendre la plus vivante. Il y a tellement de choses faciles à retrouver. Puis ça, comment on le fait? Décidez aujourd'hui que vous êtes suffisamment maître, non pas de vos vies, mais de votre conscience. Ça va venir, la vie, mais pour l'instant, il pleut. Soyez maître. Ne laissez pas la pluie venir démolir votre état psychologique. Il fait froid, vous avez les mains gelées. Ayez les mains gelées, pas le cœur gelé en plus. Alors, être au moins maître de sa conscience. Alors, je regarde les tomates, je me sens encore fait avoir. Sachez que chaque fois que vous savez, c'est que vous avez gagné un pas dans l'évolution de l'énergie. Mais lorsque l'humain se rend compte qu'il sait ce qu'il culpabilise, il se maudit. Alors, il brûle tout ce qu'il vient de ramasser. Chaque fois que vous savez, c'est que vous vous approchez de la conscience. Je sais que je suis un débile. Je le sais. Au moins, je le sais. Je sais que je suis faible. Au moins, je le sais. Je sais que telle chose est inécologique, que c'est con d'avoir fait ça. Parfait, je le sais. Souris. Tu es en train de te développer. Ça prend 10 ans, 20 ans, on fait juste se tester. 20 ans. 30 ans avant de comprendre. Dans une échelle de temps où l'univers a 4,5 milliards d'années, Moi, ça m'a pris 20 ans à tout comprendre. Franchement. Faut apprendre à voir les choses sur un point de vue autrement que nombritique. Ouais, mais toi, t'es jeune, là. Moi, je suis rendu à 72 ans. J'ai plus rien à faire. Un jour, j'étais jeune et cave. 30 secondes après, j'étais jeune et plus cave. Et je n'ai pas changé depuis ce temps-là. Alors, à 72 ans, t'es vieux et cave. 30 secondes après, t'es vieux et plus cave. Tu peux même rajeunir, tu peux même faire plein de choses, mais pour l'instant, l'humain, il t'sais, j'ai 72 ans. Puis, tu vas ressusciter! Je crois pas à la résurrection. Mais tu vas te réincarner! Je crois pas à la résurrection. Pas grave, quand ça s'en verra, je te réexpliquerai. Bon, meurs en paix, puis quand ça s'en verra, je te réexpliquerai. Je vais faire de plus. Mais entre toi et moi, que ce soit vrai ou pas, c'est préférable d'y croire. Pour moi, on meurt sereinement. Des fois mieux. Le temps. 20 ans, 30 ans à apprendre, sachez une chose, c'est que 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans, c'est de l'illusion. On s'amuse. L'important, c'est pas ce que vous avez là comparativement à moi ou à tout ce que vous avez comme concept. L'important, c'est que si vous arrivez à être vous autres instantanément, quel que soit votre âge, vous êtes déjà supérieur à moi. Vous allez dire, oui, mais je ne sais pas tout. Non. L'enfant de 2, 3, 4, 5 ans, il ne sait pas tout ce que je sais. Mais il y a un avantage sur moi, c'est qu'il n'y a pas besoin de le savoir. Il ne faut pas qu'on se compare. Comme la peur engendre le stress, n'est-il pas juste d'affirmer qu'une façon de combattre le stress serait d'apprendre à contrôler ses désirs, désirs qui engendrent leur antagoniste? Bon. L'homme. La peur engendre le stress. Seulement si on lutte contre la peur, parce que la peur n'engendre pas le stress. Moi, que lorsque j'ai peur, j'ai peur. Puis je m'en fous. Alors, à un moment donné, il est arrivé des choses absolument à ce que l'humain appelle diabolique. À travers la porte, j'étais dans un trou au Guatemala, et puis je m'amusais à tirer au tarot pour savoir si je découvrirais les ruines que je cherchais. J'avais 19 ans. Et puis, à un moment donné, je perçois à travers la porte quelque chose d'original que j'avais déjà vu ailleurs. Et c'est fantomatiquement noir. Ça ressemble à un immense noir avec des yeux verts, une grande crinière, puis des choses comme ça, puis très, très grand. J'étais avec un fou, un de mes amis, qui d'ailleurs travaille ici. Et puis, alors il regarde, et puis il demande, « Ah, tiens, comment ça va? » On avait peur. Mais on se foutait de notre peur. Alors la chose, elle... Puis il y avait un petit caniveau, l'aération, un système climatisé, n'est-ce pas, dans ces trous. Alors, c'était un petit trou en haut. Ça sert à faire entrer l'air, ça sert à faire sortir les odeurs. Puis quand tu te fais attaquer, ça sert aussi à te sauver. Bon. Et puis là, on a l'impression que la bébête est rendue là. Et puis on a peur. Mais on continue à tirer aux cartes. Puis là, on espère qu'elle ne puera pas autant que la fois qu'on l'avait vue. Et là, on a l'impression que les quatre murs vont soudainement partir puis se garocher les uns sur les autres, nous écraser complètement. Mais une impression, là, que tu peux quasiment toucher. Et puis là, on se demande si la tête va sortir plus vite que les pieds. On va être aplati. On a peur, mais on s'en fout. La peur ne m'appartient pas. Et la peur ne devrait pas vous appartenir, ni l'angoisse, ni ces choses-là. Observer que j'ai peur prouve que je n'ai pas peur. Moi qui observe, je n'ai pas peur. Mais j'observe que chez moi, il y a la peur. Il y a quelque chose chez moi qui a peur. Et cette chose ne me contrôlera pas. Alors tu as peur? Parfait. C'est ta condition, sans doute. Mais moi, j'ai le goût d'aller aux toilettes, alors je veux toilettes. Et comme la peur, elle est dans mon corps, la peur, elle vient avec moi. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle prenne le dessus. Pourquoi la peur devrait-elle prendre le dessus? Pourquoi moi ne puis-je pas prendre le dessus? Parce que l'humain s'identifie à l'expression émotive, s'identifiant à la peur, la partie observatrice, le mental, pense que lui aussi il a peur et nécessairement il se laisse envahir. Et c'est la lutte. On a lutte. Imaginez-vous bien que l'humain qui lutte contre la peur, ou l'humain qui découvre qu'il a peur, l'humain qui est stressé par la peur, n'est pas stressé par le chien qui lui fait peur, il est stressé par la peur. Et ce stress nuit au corps physique. L'ego lisant dans le corps physique lit le problème et il croit que c'est la peur, alors il continue à avoir plus peur. On peut se permettre d'avoir peur, ce n'est pas une raison d'être stressé. Lorsque j'ai peur, je m'en fous. Un jour, je courais dans la jungle en plein milieu de la nuit parce qu'il y avait une espèce de gros monstre qui gueulait pas loin. On n'a jamais su c'était quoi. Et il y avait un zoologiste dans notre tente qui dormait. Le zoologiste lui dormait tellement bien que quand j'ai brassé la tente pour le réveiller en plein milieu de la nuit pendant que l'autre gueulait, j'ai pas réussi à le réveiller. Le lendemain, j'ai su qu'il était carrément figé dans sa tente. Et quand j'ai brossé la tente, eh bien, ça l'a juste fini de le figer. Bon, mais je pensais qu'il dormait. Et puis lui, il n'a jamais su c'était quoi. J'étais voir avec notre guide dans la jungle, il avait dans une chaloupe, et je lui demandais si c'était un animal. Et en même temps, j'ai découvert que pauvre cave, pas une pelle mécanique, tapait mieux la forêt vierge du Pétain. Et il me dit, c'est pas dangereux, le couvert par-dessus la tête. C'est les lamentations du jour qui se lève. Je reviens rassuré à ma tante. Mais ce qu'on peut constater, c'est que tu t'es rassuré parce que tu as compris ce qu'il veut dire. C'est les lamentations d'un animal qui gueule au lever du jour. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que tu interprètes. Et tu marches lentement. Et tu arrives en courant. Et tu ne t'es pas rendu compte que tu as accéléré jusqu'à courir. Alors, tu arrêtes, puis là, tu dis « Wow! » Et là, le corps a peur, le corps reconnaît la bibitte. C'est un carnivore, c'est évident, ça ne doit pas être joli. Mais moi, là-dedans, je n'ai pas peur. Alors, je commence à marcher lentement et j'arrive encore en courant. Et je peux juste observer. Je ne suis pas stressé. Quand j'arrive sur le bord de l'eau, le guide couche dans sa pirogue, j'observe la lagune où ce qu'on était, il y avait des grosses vagues. Et mentalement, pas peur, pas stressé, je me dis, on ne peut pas prendre la pirogue et aller dans l'eau, on va se noyer. Quelqu'un qui est en panique, il se garoche. La peur, laissez-la mettre chez vous, observez-la, cheminez avec, elle va disparaître. Et à un moment donné, lorsqu'elle va apparaître, instantanément, elle va disparaître. Parce que vous serez là. Vous ne pourrez pas dire que vous êtes courageux, vous pourrez dire que vous êtes sans peur. La peur, elle stresse seulement si on lutte. Si je me serais pris au sérieux dans ma peur, j'aurais eu des gros problèmes. Non, je constatais que je courais, je savais que le corps avait génétiquement peur. Et c'était sa job. Moi, j'étais dedans, j'étais pogné dedans. Mais ce n'était pas une raison pour que moi j'ai peur. Qui court, c'est correct. Je courais avec. Mais j'avais pas peur. Ici, j'ai trois questions. La spiritualité, est-ce que c'est l'apogée de l'expérimentation mentale? La spiritualité, telle qu'elle est convenue, conclue, apprise et exploitée et exprimée sur la planète Terre, la spiritualité va mourir lorsque le mental va prendre dessus. La spiritualité n'a vraiment plus rien à voir avec l'espiritualité. On parle de spiritisme alors lorsqu'on parle d'entité du monde de la mort. On parle d'un esprit lorsqu'on parle d'un fantôme. On dit on a de l'esprit lorsqu'on est émotivement poigné. Et la spiritualité est l'attraction émotive de l'homme envers une condition qu'il ne connaît pas. Lorsque le mental devient assujetti au plan supramental, lorsque l'intelligence s'exprime, donc lorsque l'esprit s'exprime, la spiritualité meurt. Il n'y a plus de culte, plus de croyance, plus de foi, plus de rituel. Celui qui avant croyait, maintenant sait. Et sachant, il ne peut plus avoir, il n'a plus à dynamiser sa croyance ou sa foi. Il n'a plus à faire de pratique. Ce n'est plus dans le sens que l'on connaît spiritualité, c'est de l'espiritualité dans mes termes à moi. On travaille avec l'esprit. La lumière dont nous sommes illuminés, furent-elles éteintes un jour? Non. Lorsque nous prenons du plutonium et que nous arrivons à engendrer une réaction en chaîne à l'intérieur, on engendre une explosion thermonucléaire comme les bombes nucléaires. Dans cette matière, la lumière n'a jamais été éteinte. Elle est densifiée à un point tel que la mémoire la conserve là. Et par une force mécanique, on peut arriver à fissurer l'atome et à libérer la lumière, ce qui engendre différentes formes de rayonnement lumineux, dont la radiation, dont le son, dont évidemment la lumière photonique et un paquet d'autres phénomènes intéressants. Alors, il n'y a pas eu d'obscurcissement, la lumière n'a jamais été éteinte. L'humain est dans un contexte spatio-temporel très densifiant. Dans un temps, il y a un espace limité. Et la création, plus cela s'éloigne, plus c'est limité. Et l'humain est au fin fond de tout ça. Et maintenant, l'humain accumule lumière sur lumière. C'est pourquoi dans un corps de chair, il peut l'animer de la vie. C'est pourquoi dans un corps de vie, il a la conscience émotive, il apprend à haïr ou à aimer psychologiquement. C'est pourquoi dans un corps astral, il apprend à logiférer les événements, il se pose des questions, il associe les mémoires. Et c'est pourquoi dans un corps mental, il finit par avoir une conscience instantanée. Et l'humain, c'est la chose la plus évoluée de la création. Lorsque Dieu, on dit que Dieu un jour va envoyer son Fils unique, il a possédé le corps humain d'un enfant qui s'appelait Jésus. Il y a eu un pacte qui a pris un certain temps avant d'être obtenu. Et ça a pris des années avant que le Nazaréen devienne fonctionnel, avant que le Christ devienne fonctionnel. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu se fait chair, il devient aussi imbécile que l'homme. Mais parce qu'il y avait un contact immense avec le plan d'esprit, le plan supramental, c'est-à-dire le premier palier du monde des cieux, dans les langages nazaréens, eh bien, ça s'est fait plus rapidement et parce que la génétique était bonne. Mais l'humain, Dieu, c'est tout ce que vous ne savez pas. Hein? Mais Dieu ne peut pas faire l'amour. Hein? Dieu ne peut pas aller boire une bonne bière. Dieu ne peut pas visiter une grotte et avoir la même sensation visuelle que l'œil de l'homme qui la conçoit, qui l'observe. Parce que l'homme a la faculté d'être de la matière animée, émotivisée, mentalisée et qui prochainement recevra Dieu ou l'Esprit. La lumière n'a jamais été éteinte. Sauf que nous sommes la lumière. Comment pouvons-nous voir la lumière? L'œil ne peut pas se voir, mais il voit. Alors s'il se recherche, s'il recherche la cause, il ne la trouvera jamais. On est chanceux, il y a d'autres yeux, puis il y a des miroirs, je comprends pour la matière. Mais la lumière, elle est difficile à voir. C'est évident. On en voit le résultat. On voit qu'on peut bâtir des automobiles à partir des minerais de métal. On voit qu'on peut faire des choses, on peut s'asseoir sur des chaises, on voit qu'on a des sociétés comme on est là. On voit aussi qu'on fait la guerre. Ce sont des conditions expérientielles au niveau de la planète. La lumière, elle n'a jamais été éteinte. Jamais. Mais nous sommes la lumière. Et c'est très difficile pour nous de la voir, la lumière. Mais à un moment donné, elle sera tellement vibrante en nous qu'elle créera non plus une condition seulement dans l'extérieur pour qu'on puisse la voir, mais qu'elle engendrera une condition expérientielle intérieure, et on saura. Pourquoi l'importance du nom et de la date de naissance? Alors, pour avoir une réponse convenable, j'ai fait une conférence sur la puissance du nom. Je ne veux pas y revenir. La date de naissance aussi, je crois que j'en ai parlé un peu au niveau du processus du mouvement des paliers mobiles du monde de la mort qui permettent la réincarnation pluralitaire de certains humains dans des contenants, selon les dates, selon la perpendiculaire de son lieu de naissance. Mais encore une fois, on peut se référer sans doute à la conférence de la puissance du nom. Pourquoi avoir un nom? Ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir la réponse comme ça. Pourquoi la peur déstresse? Bon, il y a des peurs qui stressent si on refuse la peur, et il y a une peur qui déstresse, c'est-à-dire qui relaxe. Pour la simple raison que lorsque le stress est canalisé complètement dans l'expression biologique de la peur, il est brûlé. Sauf que le corps est un peu consumé aussi. C'est pourquoi je préfère que l'on l'exprime dans le cri. Non seulement on développe la voix juste, qui va être un support parfait pour ajuster sa parole, pour finalement avoir une parole juste, et en plus on exprime le psychostress sans démolir son corps physique. Encore un peu sa gorge, hein, mais c'est une raison de plus pour ne pas prendre un cornet après. Ça, c'est pas plus. Alors, il y a certaines peurs qui déstressent parce qu'elles brûlent. Le stress. Puis-je me libérer de l'émotion seulement si je connais l'origine d'où vient l'émotion, comment la détruire? Connaître l'origine d'une chose, c'est pouvoir fermer la porte à la chose. Maintenant, on devra aussi nettoyer toutes les traces qu'elle a laissées dans le corridor. Et ce corridor s'appelle corps physique, il s'appelle corps astral, il s'appelle programmation. Couper la porte, l'accès, c'est le début. Mais par la suite, le temps devra, on devra se laisser le temps de changer la programmation. Et la peur, le stress, l'émotion seront coupées. Parti. Qu'est-ce que le vide mental? Est-il utile de le développer? Comment faire? Dans la terminologie vide mental, l'humain n'y parviendra jamais. Et ce n'est pas intelligent de vouloir le développer. Le mental doit être plein. Qu'est-ce que les premiers en terminologie aryenne, hindou-européenne, ont voulu donner lorsqu'ils parlaient du vide mental? Ils parlaient d'une consistance, d'une inconscience pleine mentale. Ils parlaient d'un vide plein. Qu'est-ce que c'est qu'un vide plein? Un vide plein, cela veut simplement dire percevoir la circulation d'une énergie sans arrêter l'énergie pour conscientiser son passage dans une pensée ou dans une émotion. Si l'énergie circule sans que je l'arrête de façon à savoir ce qu'elle fait, comme lorsque je parle, je ne pense pas, je ne pense jamais, je ne fais que parler, ou j'agis, ou je ne fais rien. Lorsque je parle, l'énergie passe, nécessairement par les oreilles de l'ego, je peux savoir ce que je dis. Mais je n'ai pas suffisamment de mémoire pour m'en rappeler. Ce n'est pas important. Si j'ai encore besoin de le redire, eh bien, ça reposera, puis je leur dirai. Lorsque l'humain veut parler d'un vide mental, ce qu'il veut dire, c'est l'abstinence de la conscience de l'ego de savoir ce qui se passe au niveau du plan mental. Certains vont parler du vide mental en parlant du vide de la pensée. Ce n'est pas la même chose. Lorsque l'humain joue ou lorsque nous prenons un objet, une balle, et que nous le lançons à une personne, elle est dans l'état de vide mental. Si elle n'a pas un vide mental, elle l'aura en pleine face, ou elle hésitera avant de se tasser ou de l'attraper. Si elle est dans un état de vide mental, elle verra la chose venir, elle sera consciente de tout, et nécessairement, elle l'attrapera ou se tassera. Elle sera consciente de tout, sauf d'une chose, qu'elle est consciente. Et on appelle cela la vie. C'est l'instantané. On ne peut être conscient que nous sommes conscients que lorsque nous voyons la photo de notre conscience, donc lorsqu'on fouille dans notre mémoire. Chaque fois que l'on dit « je suis conscient », tu observes une mémoire qui est à un millionième ou une seconde ou deux secondes ou une minute en arrière sur l'instantanéité, mais tu n'es plus instantané. Alors, le vide mental, c'est simplement la plénitude d'énergie sans arrêt. Je n'ai pas besoin d'avoir conscience que je parle chaque fois que je parle. Je peux écouter ce que je dis pour savoir si je sors des conneries ou non, si ma parole est juste ou pas. Et c'est l'ego qui écoute. Le mental reste vide, mais plein. Vide de conscience, plein d'énergie. Le stress provoque éventuellement l'angoisse localisée au niveau du plexus solaire, estomac. Pourriez-vous énumérer certaines techniques bien précises pour enrayer l'angoisse? Une chose évidente, si on veut un truc rapide pour éliminer ce genre de choses, il n'y a pas 150 trucs. Il y a baisser sa vibration, se saouler la gueule ou se droguer. Il y a augmenter sa vibration, fumer certains joints, manger du peyote, faire brûler de l'encens. Mais ça a des effets secondaires et des effets esclavageants. Ça esclavagit l'homme. Et il y a un autre phénomène, apprendre à avoir une voix juste pour arriver à crier juste. La personne qui a la faculté de la voix juste ne peut pas se faire avoir. Lorsque tu dis « Maudit, peux-tu arriver? » Tu changes ça, maudit, peux-tu arriver? Et nécessairement, tu goûtes que t'es... C'est plus ça. L'homme doit devenir son seul maître et l'homme est divisé en deux parties. La partie qui dit, sache, t'es écœuré, puis la partie qui dit, maudit, je suis encore écœuré. L'observateur qui va dire, je suis écœuré d'être écœuré, et la partie qui souffre. La voix mentale, elle passe par en haut. La personne qui est angoissée, qui est capable d'avoir une voix, juste une voix mentale, qui est capable lentement de cesser de parler contre elle-même ou si ça va aider. La majorité des personnes qui ont peur, dans leurs paroles, s'auto-induisent dans la peur. Ça rend pas compte. Mais pas juste par les mots, aussi par la voix, l'émotion, le trémolo, toutes les cossins qui sortent dedans. La première chose, apprenez à crier. Achetez-vous un gros oreiller. Apprenez à crier. C'est des solutions trop simples, je l'avoue. Alors, un jour, on va mettre un cours sur pied qui va coûter 3 ou 4 000 $, qui va nécessiter 2 ans d'entraînement. Et puis, les gens, après avoir payé autant, vont pouvoir faire sérieusement la chose. Et là, après, pas 4 000 $, si on dit de crier, là, tu vas crier parce que t'es pas élevé. T'es pas pour t'en aller de même, hein? 5 $, 200 $, 300 $, il y en a qui vont dire, bah, c'est niaiseux, bon. Et puis, à un moment donné, ben, t'es capable de monter sur ta table de cuisine, ouvrir tes rideaux pour que tout le monde te voie dehors, puis commencer à chanter. Tu vas crier. Les premières fois, toute la collectivité astrale va venir vous charrier pour que vous descendiez de là puis que vous vous sentiez nouille. Mais nouille, mais nouille. La deuxième fois, ça va encore faire la même chose. La troisième fois, vous allez commencer à rire. La quatrième fois, ça va de moins en moins vous faire de quoi. Puis finalement, il n'y aura pas de cinquième fois, vous n'aurez plus besoin de le faire. Vous allez être libéré. Le fou est proche de Dieu. Eh bien, effectivement, le fou est proche de Dieu. Relax. Ouais, vas-y. Tu as dit que l'humain, c'est seulement après avoir commis un acte, si c'est bien ou mal. Le voleur ne sait-il pas avant que c'est mal de voler? Non. Le voleur qui vole sait que tout le monde pense que c'est mal. Mais lui, il commet pas un acte de vol en se disant « c'est mal ce que je fais ». Oh les mains, c'est hold up! Maudit que c'est mal. Non. Non. La conscience de notre voleur, elle est dans le bien. Collectivement, il a été instruit, mais vu qu'il n'y croit pas ou qu'il n'est pas suffisamment manipulé, il va quand même faire son vol. Et après, peut-être, il verra si c'est bien ou mauvais. Demandez à Robin des Bois. Il volait les riches pour donner aux pauvres. Quand il donnait aux pauvres, le pauvre était riche. Fait qu'il tapait et il volait. Hey, bonne joie! Or, la semaine prochaine, une autre conférence, on va s'amuser. Bonne semaine! Attention à la neige, hein?